18-31, observation, pronom, objet direct et indirect. Comparer. Objet direct. Elle la regarde. Elle le regarde. Elle les regarde. Elle me regarde. Elle te regarde. Elle nous regarde. Elle vous regarde. Objet indirect. Elle lui sourit. Elle lui sourit. Elle leur sourit. Elle me sourit. Elle te sourit. Elle nous sourit. Elle vous sourit. Notez que les pronoms objet direct et indirect sont différents aux troisième personnes, mais identiques aux première et deuxième personnes.